À des époques, je me suis fait mal, au cœur, à la tête et aux yeux surtout. J'ai les yeux sur beaucoup, les yeux sur tout, tenant au mien surtout. Ma vue m'a ouverte une vision qui, elle, a ouvert une fenêtre que peut-être mon être. Tout peut arriver en quelque sorte, c'est de la sorte qu'on borne nos comptes. À bord d'affronte, ce qui nous décompte, décompte lancé, pensée insensée, mais dans le sang de ceux qui, dans le sang, vont un jour s'arrêter un jour. Je taillerai avant de tailler mal un sourd. Taillé des salles, mon parcours seul, on taillait à vivre sous la lumière du jour. Un jour, je partirai, et pour ça, je participerai. Pour que de même les autres, les nôtres comprennent mieux pour moi ce qu'il a fallu faire. Toi qui as envie de m'entendre, garde ton flair. Sache qu'une parole est une parole. Pour vérifier les comptes, dégriffer les cons, agripper les ronds. Dans la vie, garçon, regarde avant de te lancer avec qui tu prends compte. Tu te rends compte, l'argent que je prends, les gens le comptent sur leurs mains. Cela raconte, raconte mon honte du frottage de main. Les pontes du chauffage de main, ronde les otages de main. Pourquoi pas dans ce monde où beaucoup de mecs seuls on sale les mains, se sentent sales, même seuls dans une salle de bain. Au jour d'aujourd'hui comme demain, on se passe de commentaires, un mort de plus dans un concert. Pas de machination, plus de magie, pas d'imagination. Comme l'expulsion d'une nation, victime du hors-jet borné qui ont pris des bords encordés dans l'ultra-violence tournant dans le vide. J'accorde ces quelques paroles pour les morts, paroles morts dans un public, en public sous pupille dilatée. Alors, je repartirai, partirai en galère. J'espère pas, alors la vie en vrai, rien de bon, de bien long. Qui tienne la distance en mettant à distance les branquignoles, guignols et guignols. K-O-A-R, tiens la distance. Tes paroles, je m'en dispense. Comme de tes bagnoles, t'agnoles, ta tôle, France. Je plains le mec qui charge son pompe, le mec qui charge des pompes. Ainsi que celui qui en charge des recharges, puis les transporte dans ses pompes. Ainsi plein de gens survivent. Certains arrivent à vivre, à assumer les charges. Mais en plein dans le gaz, à plein dans le gaz, peu gaz du terrain. Puis soudain, mange la charge. Puis la décharge, la mort ou la décharge. Charge existence, barge existence, rage existante, tête pensante en rage. À être en dette vis-à-vis de tant de visages. Pour cause de non large existence, dans un bisou barge et l'existence. Si on me donne la thune, je m'en achète une nouvelle existence. Car la mairie de Paris gère beaucoup de cimetières. À ma connaissance, à ma cohérence, j'en sévère. Sinon, si on Babylone, veulent la une, la lune, veulent ma une, salue, veulent ma thune, mais lacune. Sous la lune, son regard discret, ouest, les éclatades s'attardent. Quand on garde avant-garde, regarde, garde avec toi ce regard. Refrain. Est-ce qu'il instique chez toi, chez ta personne comme décret? Fasse en sorte que ne te regarde que le concret. Ils veulent ta personne et nous on. Ne fais pas attention à la façon dont on s'expose aux choses. Arcopose, cause, représente-les. Représailles pour ce parti pour cause. L'overdose, faut-il aimer pour faire l'amour ou faire l'amour pour aimer? Faut-il aimer faire l'amour à risque avec la virique si l'on s'y risque en série? Devant la loi des séries, en série 7 ou en 500 insérés. C'est qu'on en ressent le besoin. Maintenant, tu sais que dessus faut tirer. Faut que t'embauches, assouvir désir. Devient pour beaucoup d'entre nous prémonition en solo sans munitions. On y vient sans courir, plus pour mourir. Laisser les souvenirs, cesse découvrir, faire découvrir quel genre de coup on est capable d'ouvrir. De ses mains, tu sais, maintenant les affaires qui stressent les frères, maintenant qui serrent les frères. Moi je partirai pas en 10 ans, je les voyais venir ces jours sans lendemain. Perverti par les actes des proches, des plus proches. L'amertume est une personne qui a commis un délit grave et qui demande de l'aide. Au fait, ma possédée grave est devenue de moi très proche. Ma possédée en procéder, je vais concéder plus que mes poches. Une autre approche, quand tu t'approches, prends, je te fais un prix, celui de la vérité. Vérité, le net se prend, c'est net pour tout le monde, sauf pour celui qui l'a pris. Le prix, le mal a pris, le mal s'apprend, diverti, celui-ci est grand. Allez, prends, je te fais un prix, celui-ci est celui de la vérité. Se relève pas la relève, on sage élève, elles savent les vrais. S'élèvent les élèves qui veulent en vrai. Si je me lève et couche mon ton, pense à haute. Les lèvres sur le son, c'est pas que je m'élève, mais que dévie mes lèvres. Les faux moves, des beats, des lits sur les beats. Fais pas des délits comme une bite, mon gros en vrai. Conseil en vrai, appelle mon gros en vrai. Lève ta pelle, rappelle attention. Te révèle l'attention, quand t'éveilles l'attention. Celle qui a laissé ailleurs d'autres proches de toi, de ta personne, de l'endroit où tu dors. Et ouais mon pote, on n'a pas le temps de nous dors. Tout compte fait, jamais. Moi mec de tête, j'aurais cru pu voir sans scrupule tant de visage faire. Sans mon visage frère, je serais dans la merde. Tonton, y'en a tellement au-dessus qui crèvent, croient bien faire. Après de près les conneries, les miens, après avoir été faites. Jamais moi mec de tête, j'aurais pu croire sans ce qu'on peut le voir. Des mecs qui l'acceptent quand tu t'en sors sans pognon. Ça te met en confiance, je l'accepte. Mais accepte que te mettre en confiance, c'est pas mettre en confiance. Même si on aurait pu croire. Faut être plus grand, s'engager afin de dégager autour de soi quelques trucs qui dégagent dans l'ordinaire des choses. Autre chose, autre chose. Si je déchire mon temps, mon argent, c'est que c'est l'existence à ma taille. Caille, une occasion à ma taille. C'est la CI, un problème de taille. À ma mesure, je pense de par toutes ces impositions, ces impostures, ces demi-mesures. Faut que j'empoche, faut que t'empoches et toi empoche ces positions sur ces mesures. Langue en torche, faut. fort, le prix est pris fort, petit fort. Pour pas qu'un jour on dise étoile ancien. Ça c'est un original, ses origines c'est l'ancien cousin bien. C'est ça qu'il faut que t'empoches ou que t'embauches. Je t'embaume avec l'envers de la médaille dans les paumes. Mais reverse si tu le sens, mais tombe pas dans les pommes.